L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert, lu par Sylvie pour audiocité.net. Chapitre 3. Deux mois plus tard, Frédéric, débarqué un matin rue Coq-Héron, songea immédiatement à faire sa grande visite. Le hasard l'avait servi. Le père Roque était venu lui apporter un rouleau de papier en le priant de le remettre lui-même chez M. d'Ambreuse, et il l'accompagnait l'envoi d'un billet décacheté où il présentait son jeune compatriote. Madame Moreau parut surprise de cette démarche. Frédéric dissimula le plaisir qu'elle lui causait. M. d'Ambreuse s'appelait de son vrai nom le comte d'Ambreuse, mais dès 1825, abandonnant peu à peu sa noblesse et son parti, il s'était tourné vers l'industrie et l'oreille dans tous les bureaux, la main dans toutes les entreprises, à l'affût des bonnes occasions, subtil comme un grec et laborieux comme un auvergnat. Il avait amassé une fortune que l'on disait considérable. De plus, il était officier de la Légion d'honneur, membre du Conseil général de l'Aube, député, pair de France un de ses jours, complaisant du reste. Il fatiguait le ministre par ses demandes continuelles de secours, de croix, de bureaux de tabac, et, dans ses bouderies contre le pouvoir, il inclinait au centre gauche. Sa femme, la jolie Madame d'Ambreuse, que citaient les journaux de mode, présidait les assemblées de charité. En cajolant les duchesses, elle apaisait les rancunes du noble faubourg et laissait croire que M. d'Ambreuse pouvait encore se repentir et rendre des services. Le jeune homme était troublé en allant chez eux. « J'aurais mieux fait de prendre mon habit. On m'invitera sans doute au bal la semaine prochaine. Que va-t-on me dire ?» L'aplomb lui revint en songeant que M. d'Ambreuse n'était qu'un bourgeois, et il sauta gaillardement de son cabriolet sur le trottoir de la rue d'Anjou. Quand il eut poussé une de ses portes cochères, il traversa la cour, gravit le perron et entra dans un vestibule pavé en marbre de couleur. Un double escalier droit, avec un tapis rouge à baguettes de cuivre, s'appuyait contre les hautes murailles en stuc luisant. Il y avait, au bas des marches, un bananier dont les feuilles larges retombaient sur le velours de la rampe. Deux candélabres de bronze tenaient des globes de porcelaine, suspendus à des chaînettes. Les soupiraux des calorifères béants exhalaient un air lourd. Et l'on n'entendait que le tic-tac d'une grande horloge dressée à l'autre bout du vestibule, sous une panoplie. Un timbre sonna, un valet parut et introduisit Frédéric dans une petite pièce, où l'on distinguait deux coffres-forts avec des casiers remplis de cartons. M. d'Ambreuse écrivait au milieu, sur un bureau à cylindre. Il parcourut la lettre du père Roque, ouvrit avec son canif la toile qui enfermait les papiers, et les examina. De loin, à cause de sa taille mince, il pouvait sembler jeune encore. Mais ses rares cheveux blancs, ses membres débiles et surtout la pâleur extraordinaire de son visage accusaient un tempérament délabré. Une énergie impitoyable reposait dans ses yeux glauques, plus froids que des yeux de verre. Il avait les pommettes saillantes et des mains à articulations noueuses. Enfin, s'étant levé, il adressa au jeune homme quelques questions sur des personnes de leur connaissance, sur nos gens, sur ses études. Puis il le congédia en s'inclinant. Frédéric sortit par un autre corridor et se trouva dans le bas de la cour, auprès des remises. Un coupé bleu, attelé d'un cheval noir, stationnait devant le perron. La portière s'ouvrit, une dame y monta, et la voiture, avec un bruit sourd, se mit à rouler sur le sable. Frédéric, en même temps qu'elle, arriva de l'autre côté, sous la porte cochère. L'espace n'étant pas assez large, il fut contraint d'attendre. La jeune femme, penchée en dehors du vasistas, parlait tout bas au concierge et n'apercevait que son dos, couvert d'une mante violette. Cependant, il plongeait dans l'intérieur de la voiture, tendu de raies bleues avec des passementeries et des effilés de soie. Les vêtements de la dame l'emplissaient, il s'échappait de cette petite boîte capitonnée, un parfum d'iris et comme une vague senteur d'élégance féminine. Le cocher lâcha les rênes, le cheval frôla la borne brusquement et tout disparut. Frédéric s'en revint à pied, en suivant les boulevards. Il regrettait de n'avoir pu distinguer Madame d'Ambreuse. Un peu plus haut que la rue Montmartre, un embarras de voitures lui fit tourner la tête et de l'autre côté, en face, il lut sur une plaque de marbre « Jacques Arnoux ». Comment n'avait-il pas songé à elle plus tôt? La faute venait de Deslauriers et il s'avança vers la boutique. Il n'entra pas, cependant. Il attendit qu'elle parût. Les hautes places transparentes offraient au regard, dans une disposition habile, des statuettes, des dessins, des gravures, des catalogues, des numéros de l'art industriel, et les prix de l'abonnement étaient répétés sur la porte que décoraient à son milieu les initiales de l'éditeur. On apercevait contre les murs

C'était une longue personne de 30 ans environ, fanée, et dont les grosses lèvres découvraient en riant des dents splendides. Elle causait familièrement avec Arnoux et lui donnait des coups d'éventail sur les doigts. Puis une jeune fille blonde, les paupières un peu rouges, comme si elle venait de pleurer, s'assit entre eux. Arnoux resta dès lors à demi penché sur son épaule, en lui tenant des discours qu'elle écoutait sans répondre. Frédéric s'ingéniait à découvrir la condition de ces femmes, modestement habillées, de robes sombres à col plat rabattu. À la fin du spectacle, il se précipita dans les couloirs. La foule les remplissait. Arnoux, devant lui, descendait l'escalier, marche à marche, donnant le bras aux deux femmes. Tout à coup, un bec de gaz l'éclaira. Il avait un crêpe à son chapeau. Elle était morte, peut-être. Cette idée tourmenta Frédéric si fortement qu'il courut le lendemain à l'art industriel et, payant vite une des gravures étalées devant la montre, il demanda au garçon de boutique comment se portait M. Arnoux. Le garçon répondit « Mais très bien !» Frédéric ajouta en pâlissant. « Et madame ?»« Madame aussi ?» Frédéric oublia d'emporter sa gravure. L'hiver se termina, il fut moins triste au printemps, se mit à préparer son examen et, l'ayant subi d'une façon médiocre, partit ensuite pour Nogent. Il n'alla point à Troyes voir son ami afin d'éviter les observations de sa mère. Puis, à la rentrée, il abandonna son logement et prit, sur le quai Napoléon, deux pièces qu'il meubla. L'espoir d'une invitation chez les Dambreuses l'avait quitté. Sa grande passion pour Madame Arnoux commençait à s'éteindre.